La rue. pas ouvrir les lèvres pour nous chanter le bateau ivre. On restait là comme des cailloux à faire des rêves de lichen. On était parti chez moi, peut-être dans l'absinthe. Faire de ses secrets sur le tambour de tes vêtements.